en Jamaïque, au sud de Cuba, entre la Barbade et l'îlot de Grenade, au fond du bleu du tropique de Cancer, quand dans tes yeux je regarde la vérité qui plonge en moi comme de l'acier trempé dans le sang. Mon corps brûlant contre ton corps brûlé tango, tempo d'appel vibrant qui tango show, entre ma peau et l'océan. Mon corps brûlant contre ton corps brûlé tango, tempo d'appel vibrant qui tango show, entre ma peau et l'océan. Sur une musique que jouent les Rastas, ton corps brûlé tango, tempo d'appel vibrant qui tango show, entre ma peau et l'océan. Mon corps brûlant contre ton corps brûlé tango, tempo d'appel vibrant qui tango show, entre ma peau et l'océan. Tango show, entre ma peau et l'océan.